Cours numéro 13. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Akhadna fi ad-dars al-akhir bab al-khas. Wa akhadna at-ta'rif thumma بعض المخصصات فمن يذكرنا بالتعريف تعريف الخاص عند من تفضل الخاص هو المخرج من العام بدليل نعم المخرج من العام بدليل وتعريف شيخ ابن عثيمين من يعرفه تفضل الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد نعم اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد فهذا هو الخاص التعريف كنا اجوتي الى اسهل الى ادق المخرج من العام بدليل لان الخاص يذكر في مقابل أو في مقابل العام أي يقابل العام الخاص كي سبيسيفي اون جينيراليتي فسيتي العام dans le تعريف dans le تعريف plutôt ربما ça sera plus simple فالمخرج من العام بدليل et le fait de spécifier العام ça s'appelle comment تفضل التخصيص فالخاص c'est ce qui sort c'est ce qu'on fait sortir d'une généralité et une spécificité et le fait de spécifier et l'action de spécifier une généralité c'est التخصيص فلهذا قال التخصيص اصطلاحا إخراج بعض أفراد العام et هذا il est proche du تعريف qu'on a cité فالمخرج ce qui est spécifié c'est le خاص et le fait de spécifier et l'action c'est التخصيص إخراج بعض أفراد العام. Et avec les exemples qu'on a cités, بإذن الله عز وجل, c'est plus clair. Qui c'est qui peut citer un exemple? عام وتخصيص. أي un عام, il le خصص avec un خاص. عندما أحسنت. أبليك الآن ما تقدم. Ce qu'on a vu ensemble sur le verset ou sur les versets. الإنسان هذا لفظ عام. ثم الحكم c'est qu'ils sont في خسر. فما من إنسان ça englobe tous les êtres humains. Ils sont في خسر. Ça c'est العام. تفضل. أحسنت إلا الذين آمنوا هذا خاص أي on a fait sortir de هذا العموم إخراج بعض أفراد العام on a fait sortir certains êtres humains de هذا العموم أي العموم c'est les êtres humains الحكم سيسون في خزر on a fait sortir بعض أفراد هؤلاء لماذا لأنه on a un تخصيص الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا sauf ceux qui ont الإيمان فهذا تخصيص نعم c'est très très simple في الحقيقة بعض المسائل certains points ou certaines كلمات ربما خاصة pour ceux qui ne maîtrisent pas encore tout à fait la langue arabe ça peut ne pas être clair au départ لكن أنت retiens هذا من الدرس ويكفيك tu sais quoi le خاص tu sais quoi le عام tu sais quoi le تخصيص et alhamdulillah ça t'estafide et petit à petit tu comprendras أكثر فإلى سيتي أن التخصيص على نوعين متصل ومنفصل et le dernier درس on a étudié ensemble المتصل ما معنى التخصيص المتصل تفضل على التخصيص المتصل هو ما لا يستقبل بنفسه يعني بمعنى أن التخصيص المتصل هو الذي يكون مذكورا مع العام أحسنت يكون مذكورا مع العام في في نفس النص مثلا هنا إن الإنسان لا في خسر عام ثم dans le même texte juste après le verset suivant إلا الذين آمنوا donc الخاص il a bien été cité après العام هذا il est متصل أي il suit الخاص il suit العام أي le تخصيص il est cité dans le même texte قوله ما لا يستقل بنفسه أي يكون مرتبطا بالكلام أي الذي فيه العام فهذا c'est compris ثم il a cité un من المخصصات المتصلة الاستثناء ثم on a vu ensemble شروط الاستثناء qui c'est qui peut nous rappeler c'est quoi الاستثناء كما تريد الاستثناء هو الذي استثني من العام نعم نعم أي إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها سوسا الاستثناء الاستثناء من التخصيص donc c'est le même تعريف أي tu vas faire sortir des choses de هذا العام أي c'est une exception tous les êtres humains ils vont à leur perte إلا هذا استثناء أي certaines personnes ils rentrent pas في هذا العموم donc الاستثناء c'est avec إلا أو أخواتها غير وحاشا إلى آخر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ومن شروط الاستثناء تذكرون متصلا نعم اتصاله بالمستثنى منه نعم فالاستثناء il faut qu'il soit متصل بالاستثناء منه c'est pour ça que العلماء le cite في التخصيص المتصل وإلا s'il y a une longue coupure où il est pas cité فهذا تقدم معنا أنه il est pas صحيح الاستثناء si c'est un court moment فلا شك أنه c'est valable et on avait cité حديث ابن عباس رضي الله عنهما le deuxième شرط نعم أكثر من نصف المستثنى هذا on avait expliqué المسألة حقيقة elle est واضحة et on a vu كذلك من المخصص المتصل الشرط qui c'est qui peut citer un مثال تفضل فخلوا أين العام نعم أين الشرط فإن تابوا نعم فهؤلاء سيفون التوبة ويقيمون الصلاة إلى آخره فخلوا سبيلهم أي vous ne les combattez pas comme les autres هؤلاء ils sortent من هذا العموم فلهذا قال عز وجل فخلوا سبيلهم فهذا خصص بالتائبين الذين يتوبون والذين يقيمون الصلاة ثم le dernier qu'on a vu ensemble الصفة on est toujours في التخصيص المتصل أو المخصص المتصل الاستثناء الشرط et le troisième الصفة c'est qu'il peut nous rappeler c'est quoi c'est un exemple مثلا ربما يبغى نوسيتي تفضل مثلا كما في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا فهذا عام والصفة هو نعت متعمدا نعم أي هذا المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا هذا وصفه هذا حاله أنه إلي on avait dit هنا الصفة c'est pas الصفة في qu'on a pris في النحو سكان نعت لا سنقلب الحال إلى آخره فحاله إلى متعمد فهذا نعم فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره أما من يقتل مؤمنا خطأ هذا سي أوتخ شوز هذا سي أوتخ شوز فهنا المؤمن إلى إتي سبيسيفي celui qui tue volontairement un مؤمن أما celui qui tue involontairement, ça c'est autre chose. فالصفة هنا على خصص العموم C'est pas n'importe quel mu'min. C'est pas tous les mu'mines. C'est pas à chaque fois qu'un mu'min tue un autre mu'min, annahu il mérite ce châtiment. Là. Là, les annahu khussisa bi qawlihi muta'ammidan. Fahada. فمثل هذا الدرس اللي مهم واحسنتم في المراجعه vous avez bien fait le muraja'a on voit que c'est compris fa continue hakada lian hadi al abwab al amr wal nahy wal khas wal am wal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mufassal hadi tu en as besoin dans beaucoup de textes et ça va t'aider à comprendre ahkam al ulama fi al fiqh et ça va t'aider à comprendre al adilla ça va t'aider à comprendre kadhalika comment faire Quand tu as deux preuves, Rubbama, pour celui qui ne connaît pas ces règles, il y a une contradiction en apparence, hein, tu sauras. Mais idnillahi azza wa jalla, comment faire? Comment faire pour appliquer ce texte, ou ce texte il passe avant ce texte il spécifie ce texte? Hada, ou hadihi ad-durus, c'est min ahem ad-durus fi usul al-fiqh. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a simplifié jiddan. Et on répète, les frères qui ont du mal à suivre ou qui ont manqué un dars, yuraji'un. Al-ilm, ça demande du ta'ab. Al-ilm, ça demande des sacrifices. Al-ilm, ça demande quelque chose de très très important, c'est de ne pas baisser les bras. Mais le shaitan, كثيراً يهجم على بعض طلبة العلم خاصة المبتدئين منهم خاصة les débutants. Le shaitan, il leur fait beaucoup de mal. Quand il décide d'étudier un livre, au départ, c'est un peu plus compliqué que le tawhid ou le fiqh. Il y en a, c'est des règles et ça demande shaymin al-hifd, ça demande de mémoriser, ça demande de réviser. Et c'est des points en général que tu n'auras pas vu avant. C'est plus technique. Là, ça demande du sabr ou le muraja'a. Bien sûr que dans quelques temps, Rubama, on va te demander shurut al-istithna, tu les auras oubliés, c'est possible. Haqiqa, c'est normal, khasatan au départ, tu peux pas tout réviser, tu vas être occupé par autre chose. Lakin, quand tu sens que tu as oublié, révise. Et si on te pose la question ou tu parles avec un frère et t'as oublié, m'affichez. Lakin, c'est une leçon et tu révises. Et tu verras qu'une révision, une deuxième révision, kadhalik étudier un autre livre, kadhalik lire kutub al-ulama. مثلاً شرح شيخ ابن عثيمين de cette risala ou autre أو نظم الورقات ces livres simples dans Al-Usul et tu verras que c'est toujours le même kalam toujours les mêmes chapitres ne pas penser que le premier livre le premier cours l'insan il va tout comprendre il va tout retenir si on pense à هذا فربما si on oublie quelque chose on a une faiblesse dans une chose on va penser que en fait c'est pas pour nous En fait, peut-être qu'on n'est pas prêt. Et on va arrêter le dars. Thumma, un autre livre, la même chose. Et shaitan, il fait du mal à ce mu'min. Voilà. Et on peut dire que tu n'as pas compris, مثلا, un bab. Al-amr sahl. On peut dire qu'un, il n'a pas compris shurut al-istithna. Al-amr sahl. Si tu as fait des efforts et tu n'as pas compris, alhamdulillah, tu comprendras l'autre chapitre. Si on a fini le livre et tu as compris 80% du livre, tu éveilles ni'matin azim. Ce n'est pas un short de tout comprendre. Là, ce qu'il faut faire, c'est les efforts. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Tu as fait les efforts, tu as compris ce que tu as compris, alhamdulillah. Et personne ne t'en voudra. Celui qui t'en veut, il exagère. Là, لكن, si tu ne fais pas d'efforts, on peut te conseiller. On peut te réprimander. لِمَادَ لِيَنَّكَ تُوِيَ فِي نِعْمَ عَظِيمًا Tu es dans un bienfait que beaucoup de gens n'ont pas. Donc tu dois multiplier les efforts. Qala rahimahullah. Al-mukhassis al-munfassil. Après avoir cité rahmatullah alayhi. Al-mukhassis al-muttassil. Ay, alladhi la yastaqil binafsih. Ay, il est cité dans le même texte. Ay, il a cité ba'd al-mukhassisat al-munfassilah. والمنفصل ما يستقل بنفسه أي للسيتة dans un autre texte. Et في الحقيقة هذا bien sûr il est très très important et ça demande un effort en plus. أما quand المخصص il est cité dans le même texte si tu lis bien le verset ou le hadith الحمد لله c'est clair إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذا سواضح C'est واضح ان المؤمنون الحمد لله ils sont pas في خسران بل ils sont في فوز عظيم. Et ils auront al-janna s'ils meurent et tant qu'ils sont vivants enfin ils sont à la hal hasan tayyib. هذا c'est معروف. اما المنفصل فça demande un effort. Ça demande des recherches. قال رحمه الله المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء الحس والعقل والشرع. أما الحس فالحواس الخمس les cinq sens. الحس ça peut être مثلا ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens. فهذا c'est un نوع. Et avec l'exemple ça sera plus clair. العقل c'est la raison والشرع c'est le Coran, la Sunna, l'Ijma'. Et on verra كذلك القياس. قال رحمه الله مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. فتأمل هذه الآية. On répète أنه في باب التخصيص. Donc si on est vibab tarsis, forcément il y a un âme. Tu ne peux pas avoir un khas sans âme. Ce n'est pas possible. Ça va ensemble. Enfin, vu qu'on est vibab tarsis bilhis, pour bien comprendre le tarsis et poursuivre, et même tu cherches l'umoum. Quand tu as trouvé l'umoum et tu as compris le ma'na, thumma, tu verras que, Cheikh Ibn Uthaymeen, s'il a cité Huna, c'est qu'il y a un tarsis. Et ce n'est pas à l'umoum. Ça va tout englober. Là, on verra qu'il y a des exceptions. Lakin, l'exception, elle n'est pas citée dans le verset. Limada li anna on fi at-takhsis al-munfasil. Fa ayna al-umum? Ha, tafaddal. Kull shay. Hadha 'am. Fa hadha ar-rih alladhi arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala pour châtier haoula qawm 'ad tudammiru kull shay. At-tadmir c'est détruire. Fa hadha ar-rih il a tout détruit. بأمر ربها. قال الشيخ العثيمين فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. Est-ce qu'à l'époque de Ad, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a châtié son peuple, le peuple de Ad alayhi salam, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avec هذا الريح, avec ce vent, ce souffle qu'il a châtié هؤلاء, est-ce que les cieux et la terre, ils ont été détruits? Là, la preuve, nous, on vit encore, walillahi alhamd, c'est toujours les mêmes cieux. On est toujours sur la même terre. Ça montre, anna qawluhu tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ay ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah, il a voulu. Ce que Allah, il a voulu détruire, il l'a détruit. Enfin, ça nous montre que kul huna, c'est pas l'umum, anna tout a été détruit. Li anna kul s'englobe les cieux, les terres, les anges, les djinns, le arsh, le kursi, ça englobe tout. Et là, chaque ces choses, elles n'ont pas été détruites. Shaitan, il existait à cette époque, il existe encore aujourd'hui. Jibril, alayhi salam, il existait à l'époque, il existe encore aujourd'hui. Les anges, nefs shay, les cieux, la terre. Enfin, tu peux faire sortir beaucoup de choses de hadha al-umum et tu le fais sortir bimada bilhis. Tu n'as pas besoin d'un autre texte. Yarhamukullah. Tu n'as pas besoin d'un autre texte ou d'un hadith fi hadha. Lianna, c'est clair, bilhis. الحس مثلا من الحواس لا فيو يعني انت تشوف لو سييل il a pas été détruit à l'époque de Ad et les générations après jusqu'à aujourd'hui. هذا il est واضح. قال ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء فان العقل دال على ان ذاته تعالى غير مخلوقه. العموم نفس الشيء كل الله خالق كل شيء الله لا تكري. C'est le créateur de toutes choses. لكن العقل ما من عاقل يعلم أن الله عز وجل c'est le créateur, il n'est pas créé. Donc, هنا المراد الله خالق كل شيء. Ça sera quoi le معنى الآية? لا بس. الله خالق كل شيء مخلوق. الله il a tout créé et il est créateur. Toutes les créatures, elles sont créées. C'est ça le ma'na. Amma Allah, Azza wa Jal, et ses attributs, ils ne sont pas créés. Subhanah. قال ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. Après avoir cité les deux premiers cas, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a fait une remarque anna hadha fi al-haqiqa c'est pas mina al ma khussa bihi, on répète qala ma khussa bihi al-his wa al-aql laysa min al-aam al-makhsous. Et c'est ça le qawl sahih, anna hadha c'est pas l'aam, c'est pas min al-aam al-makhsous, c'est pas des globalités qui ont été spécifiées fi al-haqiqa. Limada qala wa innama huwa min al-aam alladhi urida bihi al-khusus. Il y a une différence. C'est quoi la différence? Anna al-am al-makhsous, si on revient aux exemples d'avant, inna al-insana la fi khusr. Hada c'est am. Illa alladhina amanu. Fala shak anna les êtres humains, ou les croyants, c'est des êtres humains. Et ils rentrent tous fi hada, sauf celui qui fait des efforts et il applique son din, et bien idnillahi azza wa jal, il sort de l'égarement et ça devient croyant. Il sort de al-khusran et Inch'Allah, il sera min al-fa'izin. Amma huna, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, suivez, innama huwa min al-aam alladhi urida bihi al-khusus, id al-makhsus lam yakun muradan 'inda al-mutakallim. Aslan, fi al-haqiqa, qawluhu tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, fi al-haqiqa, à la base, les cieux et la terre, l'arche, etc., tout ce qu'on a cité qui n'a pas été détruit, fi al-haqiqa, aslan, ça rentre pas dans l'umum. C'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ay ma aradahu Allah, ce que Allah il a voulu détruire. Donc le reste, fi al-haqiqa, ça rentre pas dans la spécificité, dans la généralité, donc on n'a pas besoin de le sortir. Qawluhu 'azza wa jalla Allahu khaliqu kulli shay. Fi al-haqiqa, on n'a pas besoin de dire que Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs c'est makhsous, on les a fait sortir de l'umum, lianna aslan Allah il est pas créé. Donc le verset fil haqiqa c'est sur les créatures, c'est pas sur le créateur. Donc on n'a pas besoin de faire hada. Si vous avez compris hada, on peut se poser la question limada Cheikh Ibn Uthaymeen les a cités et les a cités limada lianna كثير من الاصوليين يسيت هذا التقسيم. Et ça c'est min husn at-ta'lif. Cheikh Ibn Uthaymeen il sait très bien que il y a un khilaf fil mas'ala et ba'dhum il le cite pas, lakin il te le cite hatta tu comprends. Comme ça si tu fais un autre livre et tu tombes sur ces deux catégories التخصص بالحس والعقل جوغا كومبري ثم يتوفي لا رمارك ان من العلماء ça montre qu'il y a un khilaf, ils ont montré ان اصلا هذا c'est pas من هذا الباب, c'est autre chose. ولعل شيخ ابن عثيمين الى cité شيء في الشرح ربما اوضح. Vous avez trouvé هات بارك الله فيك هنا نعم قال اسك نعم قال وعلى هذا فيقول هؤلاء العلماء إنما خص بالحس وبالعقل ليس من العام المخصوص بل هو من العام الذي أريد به الخصوص ثم إلى ست الفرق ثم على فقال والذي يترجح أن القول بأن هذا ليس من العام المخصوص بل هو من العام الذي أريد به الخصوص قول قوي جدا إيه هذا الصحيح. Donc هذا في الحقيقة c'est pas من التخصيص, ça c'est من العام الذي أريد به الخصوص. Donc tu n'as pas besoin de faire si on peut appeler cela cette action de faire التخصيص. لا, il n'y a pas de تخصيص à faire. قوله الله خالق كل شيء c'est un عام, c'est un لفظ عام. Pourquoi? Parce qu'il y a كل en langue arabe, c'est une globalité. لكن à la base أريد به الخصوص, c'est quoi le خصوص هنا? الله خالق كل شيء c'est un لفظ عام. Lakin à la base urida bihi al-khusus, tu n'as pas besoin de faire at-takhsis, faire sortir des exceptions. Limadha li anna à la base urida bihi al-khusus, c'est quoi le khusus? Hein? Ahsanta al-makhluqat. Donc quand tu lis le verset akada Allahu khaliqu kulli shay, et tu comprends que Allah il a créé les créatures, li anna c'est le créateur azza wa jalla, tu n'as pas besoin de faire at-takhsis. Si on te dit c'est un lafz 'am, tu dis na'am, li anna ya kull, et en langue arabe kull ça montre l'umum, une généralité. Lakin al-murad de ce kalam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand il a révélé ce verset, al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont compris, Allah, il a créé toutes les créatures. Donc tu n'as pas besoin de dire Allah, il a tout créé, sauf lui-même. Et bien, les ulama, ils le disent. Ils disent, c'est am, et on applique le tarsi, c'est l'achat qu'Allah, il n'est pas créé. Fait le mas'ala, c'est là. Lakin, hada c'est tayyib pour comprendre anna al-ulama ikhtalafou. Barakallahu fik. Qala, wa amma at-takhsis bil-shar'. Et c'est ce point le plus important. Et c'est celui-là qu'on va appliquer kathiran fi durus al-usul. Amma bil-his wal-aql, fataqaddam ma'ana anna aslan c'est pas min at-takhsis. Et ce qu'on a besoin, nous, dans notre étude du Coran et de la Sunna, c'est hada. At-takhsis bil-shar'. Un verset, mathalan, fihi umum, et tu auras un autre verset qui le spécifie, ou un hadith, ou l'ijma', ou l'qiyas. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, pour chaque cas, il va citer un exemple, rahmatullah alayhi. Il a cité un exemple. Wa amma at-takhsis bil-shar'. Fa inna al-kitab wa sunnata yukhassis كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس بمثلهما أي القرآن il peut spécifier السنة السنة elle peut spécifier le Coran ça va dans les deux sens وقوله وبالإجماع والقياس أي الإجماع il peut spécifier والقياس كذلك et chaque exemple inshallah ça sera plus clair on commence par الكتاب بالكتاب أي القرآن بالقرآن مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هنا عموم قوله المطلقات المطلقات c'est les femmes divorcées ça vient du mot طلاق هذه المرأة طلقت elle a été divorcée فالمطلقات quand une femme elle est divorcée يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء trois cycles de règles. Elle doit attendre avant de pouvoir se remarier. هَذَا عَامٌ لِجَمِيعَ الْمُطَلَّقَاتِ أَيْنَ الْعُمُومِ أعد نعم ألف واللام ألف لام أي جنس المطلقات أي toutes les femmes divorcées. Tu peux remplacer كل مطلقة أي ما من مطلقة n'importe quelle femme divorcée. Donc, on a bien une généralité. Toutes les femmes divorcées doivent attendre trois cycles de règles. قال خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تخصيص الإكلاء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن هذا هو التخصيص هنا أي سي أن مؤمن قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا سي أن مؤمن il se marie avec une مؤمنة إذا نكحتم المؤمنات ثم il la divorce من قبل أن تمسوهن avant d'avoir des rapports avec cette femme فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Dans ce cas, il n'y a pas d'idda. لماذا لأنه il n'a pas eu de rapport avec elle. ثُمَا يَنْخِلَافِ بعضهم يقولون أن تَمَسُّوهُنَّ لا شك s'englobe les rapports et كذلك بعضهم il dit s'englobe الخلوة et c'est une autre مسألة qu'on ne détaillera pas هنا. المهم نحن on reste sur le cas clair أنه s'il n'a pas de rapport avec cette femme لا شك أنه cette femme n'aura pas de idda. Elle n'a pas besoin d'attendre trois cycles. لماذا لأن les trois cycles من الحكمة dans ce حكم أن les trois cycles c'est pour attendre est-ce que cette femme elle est enceinte أم لا. Mais si elle a eu des rapports avec un homme ثم il la divorce ثم elle se marie avec un autre et elle a des rapports et elle est enceinte فهذا لا ينبغي. Et هنا on fait une précision أن ceux qui écoutent le dors أنهم ils ne doivent pas prendre des fatwa de هذا الكلام لأن نحن c'est des exemples ne pas comprendre الآن أن il y a deux cas أن si il a eu des rapports la femme elle doit attendre trois mois ou trois cycles de règles s'il n'a pas eu de rapport la femme elle peut se remarier elle n'attend pas واحد يبي يكوت le dors il pense que ou il déduit des fatwa من هذا Et ربما il applique ou il dit aux autres. Là, nous ne faisons pas des fatwas awwalan. Et deuxièmement, on ne cite pas tout. Il y en a un autre cas, al-hamil. La femme qui est enceinte. À ne pas comprendre, elle a forcément elle rentre dans un de ces deux cas. Là, la femme enceinte, elle a une autre. Idda, c'est l'accouchement. Kadhalik, on a dit, anna ba'd al-ulama yufassiloun. Ils disent que si cet homme, il se retrouve seul avec cette femme dans une pièce, fa ala al-idda. Ba'dhum, ils disent là, c'est le jumeur. Mouhim, ne pas prendre des fatwas, il y en a, on ne cite pas tout. Rien, on ne cite que deux cas par rapport à l'exemple. Et dans la masala, il y a quatre cas. Ah, c'est muhim. Et on a conseillé kathiran. En allé d'ourous, tu ne prends pas des fatawa mina d'ourous. Awalan, le moudarris, est-ce qu'il est apte à faire des fatawa? Et thanien, robama le moudarris, ma arad al fatwa. Il a cité un exemple, fakat. La masala, elle demande al-tafsil. Fali hada, celui, khassatan via dil masail al-idam. Comme al-talaq, comme al-zawaj, comme. Celui qui est touché par cette chose, yes'al. À m'apprendre des fatwas min ad-durus, c'est grave. Même le dars d'alim, ahyanan le alim il dit une chose, ouais, c'est pas une fatwa. Là, c'est une faïda qui cite, et robama, ouais, il a un autre qawl. Là, vu qu'on est dans le livre de Usul, il explique, ouais, le mithal, faqat. Si tu viens à écouter et tu dis, il a dit, alors que ouais, là, si tu lui demandes maintenant ton cas, robama, tu auras une autre fatwa. Mais là, ça dépend de la personne, ça dépend du cas, ça dépend de beaucoup de choses. Attention à hada. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla قال fas'alou ahl al-dhikr. Al-su'al c'est muhim. Mais si tu poses ta question madalan une femme, elle dit madalan ana je me suis mariée avec un homme, il s'est passé kada, thumma il m'a divorcé, thumma je suis dans cet état ila akhri, fa ma al-hukm? C'est quoi ma idda? Le cheikh al-an c'est واضح, il a tous les choses, tous les points pour répondre et bien idnillah il va répondre. الفرق بين une fatwa et بين un dars. هذا سنتنبيه مهم. Donc, هنا c'est واضح. المطلقات c'est عام. Et قوله عز وجل من قبل أن تمسوهن, ça fait sortir la femme qui a été divorcée. Donc c'est bien sa femme, il y a eu un contrat. On قدر que واحد il se marie aujourd'hui avec un عقد شرعي, ça devient sa femme. ثم le soir même, il la divorce. Pour sortir du khilaf, il ne l'a même pas encore vu. Il l'a vu avant de se marier. Mais quand ils ont fait l'aqd al-akhri, ils ne se sont même pas encore rencontrés. Il s'est passé quelque chose, il la divorce. Et dans ce cas, cette femme, elle n'a pas d'idda. Et elle peut se remarier le lendemain. Le aqd, il a annulé le premier, talaq, thumma, elle se remarie. Donc, vous avez bien vu, al-tarsis. Qala wa mithal, tarsis al-kitab bis-sunnah. Donc, tarsis al-kitab bis-sunnah. Aïe, c'est al-sunnah, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va spécifier un verset. Qala ayat al-mawarith. Aïe, l'héritage. Ka qawlihi ta'ala yusikumullahu fi awladikum lidhakari mitlu hadzil unthayayn. Vous avez remarqué que Huna qala ayat, il a cité qu'un verset. L'imadal, il y en a cet exemple, il est valable pour tous les versets fi al-irth. Tous les versets fil irth, ça concerne al-mu'minin, entre eux. Qala yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadzi al-unthayayn. La shakka anna, même les kuffars, ils ont des enfants. Les croyants, ils ont des enfants. Les kuffars, ils laissent un héritage, et les croyants, ils laissent un héritage. Donc, hada, c'est un, ça englobe tout le monde, le verset. Lakin, fil Qur'an, on a un tarsis, on a une spécification de cette généralité. Qala wa nahwiha. Qawluhu wa nahwiha, et les autres versets fil irth. La mère, elle attend, la femme, elle attend. Tous les versets, Fizurat al-Nisa par exemple, ils sont spécifiés avec ce hadith. Qawluhu alayhi salatu salam, la yarithu al-muslimu al-kafira, wala al-kafiru al-muslima. Donc, hada, c'est bien, c'est sur al-muslim avec son frère muslim. Amma al-muslim al-kafira ou al-kafir al-muslim, fa baynahum, il n'y a pas d'héritage. L'héritage, c'est bien sûr, les liens de sang qui rentrent en compte. Maintenant, le fils, il hérite de son père. Et kadhalik le din. Donc, il faut que ça soit le même sang et le même din. Amma si un khtilaf din, fahuna, il n'y a pas d'irth. Et bien sûr, le sujet, il y a des choses à étudier fi hadha al-bab. Aïe, des détails pour mieux comprendre. Qala, wa mithal, tarsus al-kitab bil-ijma' qawluhu ta'ala, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة والذين يرمون هذا من العموم والذين من الأسماء الموصولة تقدم معنا أنها تفيد العموم. والذين أي tous qui accusent المحصنات أي المؤمنات العفيفات أي une croyante qui n'a pas fait zina et l'accuse ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا c'est pour montrer la validité de cette accusation. لا بد من أربعة شهداء, quatre témoins. Et ces quatre témoins, il faut qu'ils ont vu. Ils ont vu l'acte. Fait هذا الباب, vous avez remarqué que les conditions elles sont très très fortes. لماذا؟ لأن عرض المؤمنة il a une très très grande importance dans l'islam. Et كذلك عرض المؤمن, pas pour fermer la porte aux menteurs, à ceux qui essaient de propager le fitna entre les mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré هذا, quatre témoins là bout. Et qu'ils ont vu l'acte. Et l'homme en train de faire l'acte avec cette femme. Enfin, ceux qui mentent, et fi hada al-bab, on fait une précision, là, l'insan yattaqillah. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de place pour on m'a dit, j'ai vu, on m'a dit à peu près, en apparence, mais hada al-kalam, il n'y a pas de place. Quatre témoins, ils ont vu. Si trois, ils témoignent, et il n'y a pas le quatrième, قال عز وجل فجلدوهم ثمانين جلدة. Là, au bout de quatre. Si un, même s'il dit j'ai vu, c'est pas valable, c'est pas valide, c'est pas valable. Non. La boud min arba'a, ça montre que هذا الباب الانسان يتقي الله. يتقي الله. Au lieu d'accuser, conseille. كذلك التثبت. Tu parles avec ton frère, mais directement l'accuser en te fondant sur des dhunun, sur عياذا بالله, des fausses accusations, sur des rumeurs, sur du qil wa qal. هذا c'est très très grave. Et à notre époque, عياذا بالله, بعض الناس ils accusent leurs frères et sœurs بكل سهولة. بكل سهولة, لا شهود ولا شيء. عياذا بالله. قال donc العموم والذين يرمون المحصنات, أي ceux qui accusent les croyants. Ça englobe tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont هؤلاء؟ قال فجلدوهم ثمانين جلدة. C'est ça الحب. أي ils se font fouetter 80 coups. 80 fois. قال خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. الرقيق c'est العبد. C'est le contraire de الحر. أي l'esclave. فالرقيق القاذف c'est celui qui accuse. قول هو الذين يرمون. C'est ça القذف. C'est accuser un مؤمن ou une مؤمنة de faire zina, عياذا بالله, ou d'avoir fait zina. Enfin, l'esclave, al-ijma', il l'a rapporté chez Ibn Uthaymin, annahu, il se fait fouetter 40 fois, et la moitié. Pourtant, le verset, il est clair. فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَ قَالَ هَكَذَا مَثَّلَ كَثِيرٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَفِيهِ نَظَرْ لِثُبُوتَ الْخِلَافِ ذَلِكَ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيمًا. هذا المثال que Ibn Uthaymin l'a cité. Il l'a cité comme a dit, لماذا لأن كثير من الأصوليين, c'est un مثال مشهور, c'est un exemple connu dans les livres de أصول, أنهم pour spécifier un verset par الإجماع, il cite cet exemple. لكن شيخ ابن عثيمين il a démontré أنه فيه نظر. لماذا لأنه y a un خلاف. هذا الشرح حتى c'est plus clair. بارك الله فيك. Pour comprendre هذا il faut revenir au sharh qala. Awalan il a fait une précision, et ça c'est muhim. C'est pas à chaque fois que tu as un ijma' ou un ijma' il est cité, forcément ce ijma' il est valable. Il est sahih. Là, بعض الاجماعات فيها نظر. Certains imams احيانا يقولون يا الاجماع في الحقيقه يا خلاف. لان الاجماع c'est très très difficile à pouvoir l'authentifier, خاصه après l'époque de sahaba رضي الله عنهم. فلهذا بعض العلماء احيانا يقولون اجماع et tu vérifies, il n'y a pas اجماع. هذا اولا. Et مثلا cet exemple, الاجماع فيه نظر كما قال شيخ ابن عثيمين, لان في الحقيقه هي خلاف. Il a cité بعض الكلام, لكن نحن ce qui nous intéresse, قال والصحيح ان في المساله خلاف, فان من العلماء من يقول يجب ابقاء الايه على عمومها. بعض العلماء يقولون أن هذا التخصيص فيه نظر. Pourquoi? لأن le verset est عام. والذين يرمون. Ça fait rentrer les esclaves et les hommes libres. Celui qui prétend que les esclaves ils rentrent pas via d'al-umum, il faut un délit. أما هذا الإجماع، لأن الإجماع هذا دليل، mais cet إجماع il a pas été authentifié، بل هو خلاف. Donc on peut pas le prendre comme preuve. Donc الآية رست على العموم. قال وأن من قذف محصنا ولو كان عبدا يجلد 80 جلدة. والذين قالوا بالتنصيف حجتهم أنه لا يلحق المقذوف من العار بقذف الرقيق كما يلحقه بقذف الحر، لأن الرقيق في الغالب همج لا يهمه أن يقول إلى آخره. Ils ont fait cette différence. لماذا؟ لأن et on verra في الحقيقة في القياس c'est un lien. لأن dans certains أحكام العبد il a pas le même حكم que الحر. L'esclave il a pas le même les mêmes sentences que l'homme libre. On va voir par exemple Fizina. Ils ont fait la même chose ici. Vu que l'homme libre, quand il est accusé, il y a des conséquences beaucoup plus graves que l'esclave, ils ont prétendu que la sentence, la peine, les 80 coups de fouet, elle est diminuée par deux. Et on verra, Inch'Allah, fait le qiyas, vous verrez que ça sera plus clair. Na'am. قال وقالوا إذا كان العبد لا يبالي بالكلام إلى آخره على كل حال سواء صح هذا الفرق أم لم يصح فهذه المسألة أعني تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع وحينئذ يكون المثال غير صحيح. Vu que sans rentrer dans les détails, et nous ne rentrerons pas dans les détails, هذا c'est في كتب الفقه, qu'on dise que l'esclave il mérite 80 coups de fouet ou la moitié, هذا c'est un autre sujet. على كل حال l'exemple il est pas صحيح. لماذا؟ لأن cet exemple c'est l'إجماع. Il y aurait إجماع dans le مسألة, نعم ça serait صحيح. Mais vu qu'il y a pas إجماع, les savants ils ont divergé. Certains ils ont dit il est comme les autres, il rentre dans la généralité 80 coups de fouet. D'autres ils ont dit il a la moitié. على كل حال on va pas détailler ce qui cal حق في هذا. على كل حال l'إجماع il est pas authentique. Donc le مثال il est pas bon. ثم قال شيخ العثيمين ولم أجد له مثالا سليما. بارك الله فيك. الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله في المذكرة إلى سيت بعض الأمثلة كن سيتخا با إيسي dans d'autres livres إن شاء الله تعالى si vous étudiez d'autres livres ce point vous aurez des autres exemples et vous verrez que beaucoup d'exemples فيها نظر. لماذا؟ لأن الإجماع il est pas صحيح أصلا. Donc il faut trouver أولا un إجماع صحيح ثم voir si spécifie cette généralité. فهذا vous pouvez mettre une note أن d'autres exemples qui ils sont cités dans al-mudhakkira de al-imam ash-shanqiti rahmatullah alayh. Qala wa mithal takhsis al-kitab bil qiyas qawluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhumā 100 jalda. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhumā 100 jalda. Qawluhu az-zaniyatu waz-zani umum. C'est comme al-mutallaqat, alif wa lam. Donc, chaque zani, celui qui fait l'adultère, iyadan billah, ou zaniya, que ce soit homme ou femme, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Aïe, leur peine, leur sentence, c'est 100 coups de fouet. Qala khussa bi qiyas al-abd, al-zani, ala al-ama, fi tansif al-adhab. Suivez هنا. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب. Tu as deux choses. Tu as الزانية et tu as الزاني. أما الزانية في الحقيقة on a inversé. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Vous avez remarqué que هنا الأمة على la moitié de la sentence. Avec un autre verset du Coran. Il est cité fi al-Sharh. C'est quoi la référence du verset? Hatta les frères ils l'écrivent. Fa'ida Ursin. La fa'alayhinna nisfuma. C'est An-Nisa, verset 25. Ahsan. Surat An-Nisa, verset numéro 25. Tu le notes هنا. Il y en a, c'est important pour pouvoir comprendre. Donc, fi al-Haqiqa, par rapport à Zaniya, on a un tarsis min al-Qur'an. Ce verset qu'on a mis, surat al-Nur, il est spécifié par le verset surat al-Nisa. Hada fi zaniya, mais c'est pas le murad de Cheikh al-Uthaymeen. Fali hada qal, on répète. Khussa bi qiyas al-abd al-zani ala al-ama fi tansif al-adab. Le qiyas huna, c'est quoi? C'est al-zani L'homme, esclave, ils ont comparé sa sentence et la moitié avec la femme esclave. Mais la femme esclave avec la femme libre, c'est le Coran qui spécifie. On a cité le verset sourate An-Nisa. Fa'alayhinna nisfu ma'ala al-muhsanat min al-'adab. Amma l'homme, on n'a pas de verset. On a un verset que pour la femme. L'homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba'd al-ulama, ils ont dit, vu que l'esclave, femme, elle a la moitié de la peine de la femme libre, ils ont fait le qiyas, ils ont dit, donc l'homme esclave, il a la moitié de la peine. Hadha huwa al-mithal. C'est pour ça que c'est important d'avoir le verset de sourate An-Nisa. قال والاقتصار على 50 جلدة على المشهور وهذا نفس الشيء هذا المثال فيه نظر هذا المثال فيه نظر شيخ ابن عثيمين il a montré dans le شرح ان القياس بعض العلماء ils ont dit que l'homme c'est pas la même chose que la femme la femme لماذا la femme esclave à la moitié et c'est pour ça que tu as un nas من القران il y a aucun doute في هذا لماذا لان la femme esclave ربما elle fait zina et à cause de certaines faiblesses. Probablement un homme libre, il va s'autoriser certaines choses avec une esclave qu'il n'essaiera pas de faire avec une femme libre. فَلِهَذَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَفَّفَ عَلَى الْأَمَنِ Contrairement à l'homme, même si c'est un esclave, un homme, ce n'est pas comme une femme. Un esclave homme, ce n'est pas comme une esclave femme. فَلِهَذَا بَعْدُ الْعُمَا قَالُوا الْقِيَاس فِيهِ نَظَرْ لِأَنَّا مِنْ شُرُوتِ الْقِيَاس c'est qu'il y a une illa jami'a. Et هنا, ils ont dit, الذكور والإناث c'est pas la même chose انظر أو هات كلام شغل عثيمين est-ce que le مثال il a montré qu'il est pas صحيح لأن هنا قال هو على 50 جلدة على المشهور ça montre qu'il y a un خلاف قال رحمه الله il a expliqué la différence ثم نحن ce qui nous intéresse نعم قال فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه وهو الأمة والفرع المقيس وهو العبد الزاني يعني ديفيرونت انتر اسكلاف ام اسكلاف فام فلهذا بعض العلماء ils ont dit le qiyas il est pas bon قال ومعلوم ان المعنى الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى فالمسألة فيها شيء من النظر شيخ ابن عثيمين il a pas dit que l'exemple il est faux غير صحيح comme le précédent لكن قال ان هذا فيه نظر tu peux pas le prendre comme exemple. Donc il faudrait étudier dans le fiqh ce sujet et voir al-sahih et ala kulli hal cet exemple fihi ma fi. Lakin qala ala qawl al-jumhur. Donc la plupart des savants qui disent que ce qiyas il est valide. Donc la plupart des savants ils disent que l'homme esclave s'il fait azina, il est pas fouetté 100 fois, il est fouetté que 50. Hada. Les madha li annahum ils ont comparé à la femme esclave. Hada qawl al-jumhur. Si on prend ce qawl qala قال بعد donc le mithal il est صحيح على قول الجمهور نحن ce qui nous intéresse c'est pour ça qu'on a fait le tambih on n'étudie pas le fiqh نحن dans ce livre l'essentiel c'est pas de savoir est-ce que l'homme esclave il sera fouetté 50 fois ou 100 fois s'il a fait zina là c'est pas ça نحن le but nous c'est de comprendre les règles et de comprendre l'exemple si l'exemple il est صحيح alhamdulillah si l'exemple il est ضعيف الامر سهل au moins on a compris la règle et si l'exemple fihi nadhar ça veut dire faut voir, il faut faire des recherches, c'est pas sûr. Hada al-amr, l'essentiel, tu as compris le mithal. Qala rahimahullah wa mithal at-takhsis as-sunnah bil kitab. Qawluhu umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah al-hadith. Al-umum umirtu an uqatil an-nas. Hada ça englobe tous ceux qui ne prononcent pas la shahada. Ça englobe jami' al-kuffar. أمرت أن أقاتل الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل جميع الكفار قال خص بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق سنقلب جميع الكفار قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سساء التخصيص سفي السختير أهل الكتاب كدن الجزية أي أهل الكتاب أهل الذمة كي فيف مع المسلمين اي فون با دو مال او مسلمين اي هؤلاء اي دوف بيي ان امبو الجزيه سي دون سيت امبو الجزيه فلا يقاتلون فلهذا قال عز وجل ولا يدينون دين حق من الذين اوتوا الكتاب حتى أي jusqu'à ce qu'ils donnent le jizya, أي في هذا الحال, في هذا الحال, ils se font pas combattre. هذا. Donc, هذا c'est تخصيص السنة بالكتاب. السنة جاءت بعموم, une globalité. أمرت أن أقاتل الناس, ça englobe جميع الكفار. والكتاب خصص une spécification de qui? Des gens du livre qui donnent le jizya. قال ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. هذا في باب الزكاة العشر أي أن ديزيام. قال خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقوله فيما هذا من العموم. فيما أي توسك سقط السماء العشر. دونك سانغلوب جميع الحبوب باغ إكزومبل. قال ليس عليه الصلاة والسلام أي إلى سبيسيفي سون كلام دون أن أوتر حديث ليس فيما دون خمسة خمسة أوسق صدقة. دونك هنا سي أون سبيسيفيكاسيون واضحة. إي التفصيل دو سي مسائل أون ريبيت سي في الفقه. قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. لأن لو ترتيب كيلا في نورمالمون هنا إل أوغي دو سيتي تخصيص السنة بالإجماع. أي الإجماع كي سبيسيفي السنة. Vous vous rappelez de l'exemple l'ijma' qui spécifie le Coran. On a dit l'ijma' il y avait khilaf fihi nadar. D'autres savants ici des exemples. Amma l'ijma' qui spécifie la sunna, fa Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatoullah alayh قال هنا انه il a pas trouvé de mithal. Et كثيراً on a dit imma l'ijma' il est pas sahih fihi khilaf, imma ahyanan l'ijma' il est sahih lakin al mukhassis c'est dalil. Et هذا c'est important pour comprendre pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen il a pas cité de amthila. Il y en a certains amthila qu'il a cité فيها إجماع. لكن الإجماع il est fondé sur un dalil. إما القرآن إما السنة. ففي الحقيقة ce qui a spécifié c'est le dalil. Sur quoi الإجماع il a été fondé. إما un verset إما un hadith. فهذا. لكن أحيانا tu as الإجماع et tu ne connais pas le dalil. Peut-être qu'un autre savant il le connaît. لكن si c'est un ijma' sahih, il est forcément fondé sur le dalil. Même si on qadr qu'on a un consensus, l'ijma' c'est l'unanimité, le consensus, et on ne connaît pas de dalil. Si le sahih, forcément il est fondé sur un dalil. Même si on ne le connaît pas. Enfin, c'est une hujja, on l'accepte. Hada, la'allahu, ça a clarifié pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen, il n'a pas trouvé de dalil. Wa illa va, fa kathir min al-amthila, que certains ils citent avec l'ijma', al-haqiqa, l'ijma', le dalil il est connu. Donc ce qui est spécifique, ce n'est pas l'ijma, c'est le dalil. Hada, inshallah, c'est wadih. Qala wa mithalu takhsis as-sunna bil qiyas. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-qiyas qui spécifie as-sunna. Al-qiyas, on n'a pas détaillé. Les madhal, il y a un bab. On verra un bab ensemble, inshallah, dans ce livre. Bab al-qiyas. Et c'est un bab important. Page 68 de Manusra. Et al-qiyas, c'est le fait de comparer deux choses qui ont le même asl, qui ont la même base, le même fondement, et appliquer le hukm du premier sur le deuxième. Il faut un asl, il faut un far', il faut une illa jami'a, tout ça, inshallah, on le verra. Qala qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, al-bikru bil-bikr, jaldu mi'a, wa taghrib'a, al-bikru bil-bikr, ay, idha zana al-bikr bil-bikr. Al-bikr, c'est celui qui ne s'est pas marié. Qui ne s'est pas marié avec un aqd shar'i. Fal bikr bil bikr, un homme bikr qui n'a jamais été marié. S'il fait zina avec une femme bikr qui n'a jamais été mariée, fal hukm c'est jaldu mi'a wa taghrib'a. Yujladun, 100 coups de fouet et taghrib'a. Ils sont expulsés de leur ville, de leur pays, un an. Hada c'est min bab at-ta'zir. C'est une punition. Et ils sont fouettés 100 fois. هذا سي حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا dans le verset كذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. Et on a des autres adillah أن المحصن celui qui a déjà connu le mariage et qui fait zina أن sa peine c'est الرجم c'est القتل أنه il se fait lapider. فهنا c'est bien المعنى c'est bien البكر. قال خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور كما تقدم. القياس c'est le même que pour le verset. Vous rappelez le verset le verset, na'am, aynahu, na'am, mi'at jalda, ils ont fait le qiyas avec la femme esclave, on a un délil, donc ils ont fait le qiyas, la comparaison, l'homme esclave et la femme esclave, la moitié de la sentence, 5 ans. Huna, c'est la même chose par rapport à ce hadith. 100 coups de fouet, 50 pour l'esclave. Wallahu ta'ala a'lam. Hada, c'est un bab muhim. Un bab très très important. Ma yata'allaq bi al-'am wa al-khas. Enfin, révisez-le. Et l'essentiel, on répète, c'est... Tu connais les deux aqsam. Aïe, ma yata'allaq bi al-tarsis. Annahu il est muttasil, il est munfasil. Al-muttasil, c'était le dars précédent. Le dars d'aujourd'hui, al-munfasil, c'est que... Tu retiens les aqsam. Même si l'amthila, ils ne sont pas sahihah. Même si les exemples ne sont pas authentiques, certains, comme il a montré Cheikh Ibn Uthaymeen, Al-Amr Sahl. Anta, c'est que tu sais que c'est possible qu'il y a cette spécification avec un délit. C'est possible. Bah, les ulama ici, il y a des khilaf, ils ne sont pas d'accord. Al-Amr Sahl. L'essentiel, c'est que tu sais, anta, comment faire hada tarsis. Thumma al-amthila, si tu les trouves dans le fiqh, alhamdulillah, tu les mets en application. Si tu les trouves pas, Al-Amr Sahl. Au moins, quand tu liras des livres de Usul, tu auras compris. C'est ça le mourad. Ne pas oublier, ce livre, c'est l'étude de Usul al-Fiqh. C'est un outil, c'est min ulum al-ala. L'essentiel, c'est de pouvoir appliquer hada sur les textes. Et vous verrez que certaines règles, elles sont beaucoup appliquées, d'autres beaucoup moins. Ba'd al-Kalam, il n'est pas appliqué du tout. On ne parle pas de Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Ibn Uthaymeen, il faisait partie de A'immat al-Sunnah et il a écrit ce livre. Pour assunir ce que tu as besoin. C'est pour ça que celui qui comprend ce livre, on ne lui dit pas que ça lui suffit. Lakin, alhamdulillah, fihi khair kathir. S'il étudie un autre livre un peu plus détaillé, alhamdulillah, ça lui suffira. Amma kutub, ahl al-bid'a fi hadha al-bab, ou kutub ba'd al-nas, alladhina ta'atharu bi ilm al-kalam, kalam kathir qui te servira jamais dans l'usul, dans le fiqh, jamais. Et iftiradat, beaucoup, ils se basent sur des choses, si ça arrive, si c'est possible, des choses qui n'arriveront jamais. Ah non, on n'a pas besoin. De ne pas perdre son temps. C'est comme la langue arabe. Si tu maîtrises l'ajroumiya, va viha khayr kathir. On parle al-nahou, la grammaire. Et celui qui maîtrise l'alfiya, ou l'qatra, ou l'mutamima, alhamdulillah. Lakin l'ajroumiya, c'est la base. Tu rajoutes un autre livre, il y en a... C'est pas, tout n'est pas cité dans l'Ajroumiya. Yakfi. Ma détaillé, bardonnais, ils vont dans des choses que tu n'as jamais besoin. Ni quand tu parles, ni quand tu lis, ni pour comprendre la langue arabe. C'est khilafat entre le basriyin, le kouviyin, et des choses que tu n'as jamais besoin. Même tu lis, au bout de deux jours, tu auras oublié. Il n'y a aucune faïda, on n'a pas besoin, nous, de hada. Celui qui t'a khassassa fi ilm al-nahou, la bas, il a un ittila ala hada, wa illa fa nahnu, on n'a pas besoin. C'est pour ça que les moutons que l'ulama y conseille, ils sont très très importants. Très très importants. Al-Bayquniya wa Nukhbat al-Fikar wa al-Nuzha dans le mustalah, al-Usul min ilm al-Usul. Et si on rajoute un autre livre dans Usul al-Fiqh, al-Ajroumiya et al-Mutammima dans al-Nahou, un livre de base dans al-Tajwid, Tuhfat al-Atfal ou autre. Et après tu avances. Et après tu te concentres sur al-Hifd. Bal qabla dhalik tu te concentres sur l'hifd et kadhalik tu te concentres sur l'étude de l'aqida ou le tawhid. Tu apprends ton din. Toutes les choubah al-an qu'il y a dans l'umma et qui font du mal à kathir min al-muslimin, est-ce que c'est des choubah dans la langue arabe? C'est pas des choubah dans la langue arabe. Que tu dises hada il est mansoub ou marfou, l'amr il est sahl fil haqiqa. Ma'a annahu la yanbaghi li talabat al-ilm min bab awla al-ulama al-lahn. C'est pour ça qu'ils doivent faire des efforts fil nahou. Lakin l'égarement qu'on a l'an fi as-saha, c'est pas fi Al-Lua, c'est pas fil usul, c'est pas fil mustalah. Là, l'égarement qu'on a l'un qui est propagé, c'est fil mu'taqad. Yuharibouna aqidat al-salaf. Kadhalik, le naqs qu'on a, c'est fi al-ta'abud ala al-wajhi al-shar'i. Beaucoup de bida'a qui sont propagés. Limala liyannahu yanda'af fi al-tafaqquh al-din. Kathirun minan nas, ils adorent Allah Azza wa Jal bi-jahl. Et kathirun minan nas, ils ont été touchés par des choubah, ça a fait du mal à leur mu'taqad. C'est sur ça qu'on doit se fixer. Ces outils, ça nous aide, nahnu. La langue arabe, ça nous aide à comprendre l'aqida. Al-usul, ça nous aide à comprendre al-fiqh. Al-mustalah, ça nous aide à savoir est-ce que les hadiths sur lesquels on va se baser sont sahih ou la. Et كذلك pour répondre à Ahlul Bid'a wa Dalal, أنهم يضعفوا ويصحح des ahadith بغير علم. Faut bien comprendre هذا. Chaque chose a sa place. أما البعض ربما يفيف عند أعداء الله. Et des choubah ليلا ونهارا. Ils vivent au milieu des ambiguïtés. Eux, leurs enfants, et sinin, pendant une longue période, la langue arabe. Et كذلك leurs enfants, la langue arabe. Faqat. Et tu les trouves des années, هكذا. Première choubha qui vient, عيادن بالله, elle rentre dans leur cœur. لماذا لأنهم ils n'ont pas étudié la chose qui, بإذن الله عز وجل, elle va leur permettre de repousser cette choubha. أي المعتقد الصحيح, étudier منهج السلف. Que ça soit choubouhat, أهل الكفر والإلحاد, tu les reposes, بإذن الله, avec l'étude de l'aqida et l'étude du tawhid. Choubouhat, الكفار اليهود والنصارى الملاحدة الزنادقة, tu les repousses avec l'étude de التوحيد et de العقيدة. Et كذلك شبهات أهل البدع والضلال, أهل التحزب, tu les repousses avec l'étude de هذا المنهج العظيم, منهج السلف. Et كذلك tu repousses خرافات الجاهلين avec l'étude du fiqh. هذا. Et le reste c'est un outil. أما tu trouves le bas fond des دروس et il donne du temps qu'à هذا. علوم الآلة, un peu de langue arabe, un peu de tajwid, et ça s'arrête là. السلف ils étudient pas هكذا. قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Ça, ça nous montre que أول شيء c'est هذا التوحيد. Dans ta tombe tu seras interrogé أولا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. Les premières questions, من ربك وما دينك وما نبيك. Tu comprends l'arabe, même tu ne comprends pas l'arabe, tu seras interrogé, tu comprendras les questions et tu pourras répondre. Ça nous montre que l'essentiel c'est هذا. Sans négliger la langue arabe, sans négliger ilm al-usul. Lakin, للأسف, on vit à une époque, à cause de هذا الضعف, الناس يغترون. مثلا, un prêcheur, il parle l'arabe, il lit bien le Coran, يغترون به. لماذا لأنهم ils n'ont pas هذا الميزان, ilm al-aqida, manhaj al-salaf, pour pouvoir savoir est-ce que c'est un mubtil am la. Il parle bien l'arabe. Il récite très bien le Coran. Thumma il nous dit il ne faut pas détester les kuffars. Thumma il critique al-Wahhabiyya. Haqiqa il critique al-Sunnah. Thumma il trouve des excuses à tout le monde. Les juifs, les chrétiens, Rawafid c'est nos frères. Bel Bardoum ils ont été plus loin. Tu ne dis pas que les juifs et les chrétiens c'est des kuffars. On est tous des croyants. Qu'est-ce qu'il va faire هذا, avec sa langue arabe et sa récitation? C'est une hujja contre lui. On fait attention à al-ilm, ce n'est pas pour se montrer. Il y en a beaucoup de gens, vu qu'ils aiment se montrer, parmi les choses qui permettent de se montrer, c'est l'éloquence. Tu parles bien l'arabe, tu lis le Coran. Beaucoup de gens, ils vont être impressionnés. Rubama, c'est une porte ouverte pour gagner de l'argent. Comme ils font de l'être al-dhalal. Nous, on n'a pas besoin de هذا. Wallahi, si tu as du mal à parler l'arabe et tu récites pas bien le Coran et tu connais pas les règles, lakin, tu connais ta aqida et tu suis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'es à la khair azim. Et celui qui récite bien le Coran, et c'est un arabophone, on dit même pas il maîtrise, c'est un arabophone, et il est éloquent. Lakin, c'est un munharif, imma c'est un kafir, imma c'est un mubtadi', c'est contre lui. Et il est à la khatr azim. هذه النصيحة pour ne pas oublier هذا. هذه العلوم, c'est des outils. On fait des efforts pour pouvoir comprendre le Coran ou le Sunnah. هذا والله أعلم.